Nous tous également, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de notre pensée, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il est un endroit que je ne connaissais pas, où règne le roi des rois, d'où retentit la joie. Oh, oh, oh. Il est une vie que je n'avais pas. Un jour, le fils du roi me la proposa. Oh, oh, oh. Je me rappelle, j'étais comme les autres, errant sur ma propre voie. Mais lui n'était pas du tout comme les autres. D'où venait-il celui-là? J'ignorais tout de lui à ce moment-là. Mais petit à petit, il se révéla. Oh, oh, oh. Je ne connaissais rien de cette vie-là. Qui avait-il en lui? Mais qui est cet homme-là? Parlant du Père du royaume des cieux, lui seul pouvait venir de Dieu. Il annonçait une bonne nouvelle qui frappa mon oreille. Nous sommes pécheurs voués à l'enfer, mais Dieu nous aimait tant, et Jésus a souffert. Oh, oh, oh. Votre châtiment je le subirai. Celui qui croit en moi, lui seul sera sauvé. Je me rappelle, j'étais comme les autres, errant sur ma propre voie. Je me rappelle, j'étais comme les autres, mais Jésus m'a rempli de joie. Et je chante Alléluia, Alléluia. Gloire au roi des rois, Jésus m'a rempli de joie. La la la la la, Alléluia. Gloire au roi des rois, je le chante et je sais pourquoi. La la la la la, Alléluia. Roi, roi des rois, Jésus m'a rempli.